Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Donc voici les grands titres. 3 personnes ont été blessées dans une attaque à la grenade lancée la nuit de ce dimanche à la 2e avenue du quartier Buisa. Les habitants de cette zone réclament plus de mesures de sécurité. Et certains habitants de la zone Kamenge se plaignent du banditisme persistant qui règne dans cette localité. Politique, le parti Parena se plaint que le gouvernement est en train de faire cavalier seul dans le processus de changement de la constitution. Pour Zenon Imouona, le président de ce parti, le gouvernement aurait dû consulter tous les politiciens. Et début ce lundi, du rallye des vélos à Ngozi, le premier tour du Burundi regroupant les pays de l'Afrique de l'Est, sauf le Rwanda. Nous appelons notre correspondant. Ngozi et l'armée tanzanienne se dit prête à poursuivre ses opérations dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré le général James Mwakibolwa, qui avait entre 2013 et 2014 lui-même commandé la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO. Voilà pour le sommaire de ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Grogne des amateurs du ballon de Minago. Ils disent avoir été battus par le chef d'opposition de la police. Un informateur du service national de renseignement Rumonge à Minago est sommé de rentrer chez eux à 20h de ce dimanche, alors qu'ils disent avoir été malmenés injustement dans une zone sans couvre-feu. Eli Rusoya, chef de zone Minago, les accuse d'avoir violé la décision prise conjointement ce samedi de ne pas dépasser 20h, sauf en cas de permission préalable. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Selon certains amateurs du ballon rond au centre Minago, ceux qui assistaient à un match de football dans une maisonnette située au sud du marché de Minago sur la RN3 ont été tabassés et ont été sommés de vider les lieux vers 20h de ce dimanche. Ils indiquent que le chef d'opposition de police de Minago, en compagnie d'un agent de renseignement opérant dans Minago, commandait cette opération, arguant qu'il est strictement interdit de fréquenter une vidéothèque au-delà de 18h. Pour ces amateurs du ballon rond, il s'agit là d'une injustice vu qu'il n'y a pas de couvre-feu décrété à Minago. Par ailleurs, ceux qui apaisaient leur soif dans les bars des environs étaient tranquilles. Ils voudraient que le divertissement par le football ou d'autres films soit respecté. Eli Rusoya, chef de zone Minago, informe qu'il a été convenu ce samedi qu'il est strictement interdit de projeter un film au-delà de 18h afin d'éviter qu'on profite des heures avancées pour projeter des films violant la culture burundaise. En ce qui est des matchs de football, le chef de zone Minago dit qu'il suffit de présenter à l'administration zonale l'horaire des matchs pour ensuite avertir la police, ce qui n'avait pas été fait ce dimanche. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Début ce lundi du rallye des vélos Ngozi, le premier tour du Burundi, regroupant les pays de l'Afrique de l'Est, sauf le Rwanda. Cette compétition prouve, selon le président de la République, que la paix règne au Burundi en cette fin d'année 2017. Les détails avec notre correspondant Apollinaire Muzagara. Cette compétition a vu la participation des pays du Burundi, Kenya, Uganda, Tanzanie et du Sud-Soudan, des pays membres de la communauté des pays de l'Est, excepté le Rwanda, qui n'a pas répondu à son rendez-vous lors de son discours d'ouverture. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, a indiqué que cette compétition, dite « Field for Peace » en anglais, montre que la paix règne actuellement au Burundi. Son tour cycliste du Burundi est composé de 5 étapes, la première de ce lundi, et de plus de 120 km sur le tronçon Ngozi-Bujumbura. « Field for Peace » se clôturera vendredi par la dernière étape de Gitega Karu. Envie d'exhiber, selon les organisateurs de cette compétition, le bon paysage du Burundi. Un hélicoptère accompagne ses couleurs sur tout le trajet en prenant des photos bizarres symbolisant la solidarité des 6 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est qui ont été plantés à cette occasion. Vous voudrez bien nous excuser pour cette petite erreur technique. Et c'est ce lundi que 4 équipes nationales qui vont entrer en demi-finale du championnat de la CECAFA édition 2017 qui se déroule au Kenya vont être connus. Deux matchs sont sur l'affiche dans la poule A, tandis qu'un seul match est prévu dans la poule B. Ces trois matchs vont déterminer les premières et deuxièmes formations qui croiseront le fer en demi-finale dans ce championnat de la CECAFA qui a débuté le 3 décembre de l'année en cours. Les détails sur cette compétition de la CECAFA 2017 avec Evariste Nzikobanyanga. Le premier match de la poule A va opposer ce lundi à 14h les équipes nationales de la Libye et du Zanzibar. À 16h, ce sera le tour du Kenya et de la Tanzanie. Dans la poule B, un seul match est à l'affiche ce lundi et va opposer le Burundi et le Sud-Soudan. Ces trois matchs vont déterminer quatre formations qui vont entrer en demi-finale du championnat de la CECAFA édition 2017. Jusqu'à l'heure qu'il est, c'est la sélection du Zanzibar qui est en première position avec 7 points sur 3 matchs déjà livrés. Nous sommes dans la poule A. La sélection kényane est en deuxième position avec 4 points sur 2 matchs déjà livrés. La Libye est troisième avec 3 points sur 3 matchs. En quatrième position vient le Rwanda avec 3 points sur 3 matchs. Et en cinquième position vient la Tanzanie avec un seul point sur 3 matchs. Si rien ne change, ce sont les équipes du Zanzibar et du Kenya qui vont passer au deuxième tour. Cela dépendra de la victoire ou de l'égalisation du Kenya contre la sélection libyenne. Dans la poule B, les choses semblent être terminées car le Burundi et l'Ouganda sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Si le Burundi bat ce lundi le Sud-Soudan, il aura 7 points sur 9. C'est au moment où l'Ouganda a déjà terminé le premier tour avec 5 points sur 3 matchs. Les demi-finales sont prévues le 14 et le 15 décembre courant. Le 14, ce sera le tour du premier du groupe A contre le deuxième du groupe B, tandis que le 15 décembre, ce sera le tour du premier du groupe B contre le deuxième du groupe A. Évariste Nzikobanyanga. Parlons maintenant politique. Le Parti pour l'Union et le Progrès national soutient la campagne de sensibilisation de la population sur la modification de la Constitution. Au moment où cette campagne va être lancée ce mardi en commune Bugendana de la province de Gitega, Olivier Nkurunziza, secrétaire général du Parti UPRONA, indique que son parti a été consulté mais qu'il se réserve le droit d'appeler les Badasigana à voter non s'il s'avérait que leurs propositions n'ont pas été tenues en considération. Suivez plutôt Olivier Nkurunziza, il est secrétaire général du parti de Rwagasore. Ce que nous intéresse au niveau du parti UPRONA, c'est de voir qu'effectivement nos contributions sont dans la constitution actuelle. Nous avons tenu compte qu'il faut que l'esprit de l'accord d'Arusha soit gardé dans la constitution actuelle. Alors si cette contribution a été, comme nous l'avons entendu, communiquée par le secrétaire général du gouvernement, nous attendons pour voir qu'effectivement c'est bien consigné. On avait demandé de mettre le mandat du président à 7 ans, mais à condition à limiter toujours les mandats. Au niveau du parti, nous avons donné d'autres contributions. Au moment où nous constaterons que tout cela sont dans la constitution actuelle, le parti UPRONA convoquera ses membres dans les différentes provinces et communes pour leur donner le conseil de voter oui. Le parti UPRONA, il est très heureux d'entendre que le gouvernement a commencé la sensibilisation pour effectivement savoir ce qui est dans la constitution, ce qu'on a changé. On va voir si nos contributions sont là. Si nos contributions ne sont pas dans la constitution actuelle, le parti UPRONA sera la position à prendre. Vous rentrez du dialogue inter-burundais d'Arusha. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une contradiction vu que lors de ce dialogue, une partie des politiciens s'est exprimée en faveur du maintien de la constitution actuelle? Toujours, moi, je donnais la position du parti UPRONA. Nous avons toujours donné, même pendant la contribution à Arusha, que le parti UPRONA soutient effectivement que la révision de la constitution revient toujours de la souveraineté du pays. Ce qui est essentiel, ce n'est pas de ne pas amender la constitution, mais c'est de voir qu'est-ce qu'il faut amender. Chaque fois j'ai donné une opposition, c'est qu'il faut amender ce qui ramène la paix au niveau du pays, non pas ce qui nous fait reculer en arrière. L'essentiel est de voir ce qu'on va amender. Alors je demande à nos politiciens de participer effectivement dans ces ateliers de sensibilisation pour voir ce qu'on a amendé, parce que les échos qu'on disait, on ne savait pas ce qu'on va amender. Alors c'est le temps de poser les questions et de savoir ce qu'on va amender. Sinon, si on trouve que ce qu'on va changer ne les convient pas, ils vont sensibiliser leurs membres pour ne pas voter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avant d'amener la constitution au sein de la population, la classe politique devrait être préalablement consultée? La classe politique qui est au Burundi a été consultée. Nous avons été consultés, nous avons donné nos membres pour aller dans la commission. Voilà, c'était Olivier Nkurunziza, secrétaire général du parti UPRONA, qui répondait aux questions de notre confrère Charles Makoto. Et le président du parti Parena regrette que le gouvernement burundais est en train de faire cavalier seul en soumettant ce projet de révision de la constitution au vote de la population. Zenon Imouona dit que le gouvernement aurait dû d'abord impliquer tous les politiciens en vue d'un changement de ce texte. Zenon Imouona. Quand il est lancé la campagne auprès de la population, en cachant le sujet aux politiciens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi la classe politique a été mise à l'écart sur le projet de révision de la Constitution? Pour le Parena, nous avons toujours dit que la Constitution peut changer, mais il faudrait qu'elle change après consultation des hommes politiques. Au cours des discussions qui se sont passées la semaine passée à Arusha, la modification de la Constitution a été longuement discuté par les participants à ce dialogue. Le fait que le gouvernement lance cette campagne, cela ne serait pas un peu contradictoire? Oui, il y a un peu de contradiction dans la mesure où le gouvernement était à Arusha. Dans la déclaration faite par les partis représentants du gouvernement, ils ont à un moment souligné qu'il y a des problèmes politiques au pays et que la facilitation devrait aider pour les résoudre. Parmi les problèmes politiques, il y a la question de la constitution. Donc le gouvernement ne pouvait pas être à Arusha pour discuter sur certains faits et non sur la constitution, alors que les solutions peuvent être trouvé à travers les mécanismes constitutionnels. Donc le gouvernement a fait une chose et son contraire, vouloir dialoguer et faire renforcer ailleurs. Ce qui devrait être fait, il faudrait la discuter dans le cadre habituel de débat sur une question aussi fondamentale que la constitution. Zenon Imouona, c'est le président du parti Parena. Il répondait aux questions d'Alida Ndaikeza. Il est 13h07 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La population burundaise devrait utiliser les feuilles de bananier dans la préparation des pépinières et éviter l'usage des sachets qui sont une menace pour l'environnement. Cet appel est lancé par le ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Célestin Ndayizeye. C'était au cours d'une conférence de presse lundi dans le but de la préparation de la Journée nationale de l'arbre qui sera célébrée le 16 décembre prochain sous le thème « Protégeons les forêts, pérennisons les sources d'énergie ». Suivez le ministre Célestin Ndayizeye. L'arbre, d'une manière générale, protège le sol, limite l'érosion. L'arbre est une plante effectivement, qui fixe le sol, et en fixant le sol, ça génère même les réserves de sources en eau. Avec beaucoup d'arbres denses, l'eau s'infiltre dans le sol et constitue des réserves de ressources en eau. Ça constitue aussi la bonne protection de l'écosystème. Il y a la biodiversité biologique qui s'intensifie, qui se remarque autour des forêts. Cette journée spéciale 2017 a pour thème important: protégeons les forêts, pérennisons les sources d'énergie. Au Burundi, spécialement, les centres urbains constituent une menace d'arbres parce qu'ils utilisent comme bois de chauffage le charbon de bois. Il faut qu'on arrive à ce que, petit à petit, le charbon de bois soit remplacé par des briquettes fabriquées par certaines associations qui constitueraient des bons remplaçants de charbon d'arbres. Cette journée arrive aussi dans un cadre aussi approprié, dans la mesure où, au sein du ministère et en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, les gouverneurs des provinces et les communes, il y a un pas déjà franchi dans la protection des forêts et des arbres, avec la lutte contre les feux de brousse à plus de 90% de protection par rapport aux espaces qui étaient brûlés l'année dernière. Et nous impliquons tous les concernés à y veiller pour qu'on arrive depuis 2018 à zéro feu de brousse. Et ça sera une fierté pour nous et pour toutes les populations burundaises. Et certains habitants de la colline Mayoyo en commune Moukik et de la province Bujumbura se plaignent que le projet de construction d'un marché moderne dans la localité de Kavovo leur emportera des parcelles alors qu'ils n'ont pas reçu d'indemnisation. Près de 5 ménages disent qu'ils ont acquis en bonne et due forme ces propriétés, ce qu'avaient avalisé auparavant les autorités communales. Suivez certains d'entre eux. J'ai acquis la propriété de cette parcelle et la commune l'a avalisée tant que j'ai payé 30% à la commune. Nous sommes au courant de ce programme de construction d'un marché moderne. L'on nous avait indiqué que la construction de ce marché emportera de petits kiosques et non les boutiques d'autres maisons. Ce qui nous surprend, c'est que les topographes ont déjà commencé leur travail. Nous demandons à la commune de nous indemniser préalablement. C'est un problème très sérieux qui peut même détruire plus de 10 ménages. Il est vrai, c'est un projet de développement communal, mais il est mal organisé. Nous sommes vraiment mécontents. À part qu'on ne nous a pas indemnisés, aucun geste n'a été fait pour nous tranquilliser. Nous demandons seulement qu'on nous donne assez de temps pour chercher là où nous pouvons nous loger. Je me souviens bien, c'était jeudi de la semaine passée, on venait du travail comme d'habitude, on a trouvé les topographes en train de faire des limites. Demandons le pourquoi de ce travail, ils nous ont répondu seulement qu'ils ont gagné le marché et que d'un moment à l'autre, la machine peut venir détruire. Alors, pour le reste, continue-t-il, allez demander à la commune. Donc, nous ne savons pas à quel sens se vouer. On ne peut pas déménager dans 2 ou 3 jours seulement. Et même, à propos de cette indemnisation, pour une personne qui a enregistré officiellement sa parcelle dans la commune, je crois que ce travail ne devrait pas se faire de telle façon en termes de pourcentage. Et l'administrateur communal de Mukike dit que le programme va bientôt démarrer et que les parcelles sont du domaine de la commune. Renovani Mubona affirme qu'un procès relatif à ce domaine est pendant devant le tribunal, mais qu'il va essayer de continuer le projet dans l'entente avec ses populations. Suivez-le au téléphone avec Alain Désiré Boukayenet. C'est un programme qui a commencé dès le début de l'année 2017 parce que c'est la construction d'un marché moderne sur le site Kavovo. Et on a lancé le marché et puis on a même donné le marché à un entrepreneur. Il devrait commencer les activités la semaine passée, mais il s'est arrêté pour ses familles, comme vous le dites, qui réclament que ses propriétés foncières lui appartiennent. Maintenant, il y a au moins 5 familles qui sont venues ici à la commune pour me dire que leur maison se trouve dans une partie qui n'appartient pas à la commune. Mais en principe, toute la colline est en litige entre la commune Mukike et une famille appelée Inamugunga. Donc s'il y a quelqu'un qui a construit sa maison dans un marché, vous voyez que c'est un problème. Donc nous disons que le projet ne doit pas s'arrêter à cause de ces personnes. Certaines de ces familles disent qu'ils ont des documents attestant cette propriété. Ces documents ne sont-ils pas valables? Jusqu'à présent, personne ne m'a présenté ces documents. Mais en principe, même s'ils auront ces papiers, on pourra quand même s'entendre pour voir ce qu'on pourra faire après, puisque le projet ne doit pas s'arrêter. On pourra dialoguer et prendre en temps pour s'entendre sur la meilleure solution pour l'intérêt de la commune et pour l'intérêt de ces familles demandent une indemnisation pour pouvoir quitter. Cette indemnisation a été prévue. Il n'y a pas d'indemnisation parce que c'est dans le marché. Le marché donc appartient à la commune. On ne va pas indemniser les gens qui se trouvent dans le marché. Sécurité, 3 personnes ont été blessées dans une attaque à la grenade menée la nuit de ce dimanche à la 2e avenue de la zone Ngiza, en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. Les habitants de ce quartier indiquent que les blessés ont été conduits à l'hôpital juste après l'attaque. Ces derniers demandent avec insistance que la sécurité soit renforcée, surtout dans les milieux où se rencontrent plusieurs personnes. La police rassure que cette demande est prise au sérieux. Eli Nibel Nibigila. C'est à la 2e avenue du quartier Bugiza, plus précisément devant le bistrot appelé au coin des vacanciers. En face de ce bar se trouve un restaurant communément appelé Kumichopo, au numéro 43, là où la grenade a été lancée. 2 portes et 2 fenêtres ont été endommagées par des éclats de grenade. Ce serveur, dans ce restaurant, nous raconte comment l'attaque est survenue. C'était aux environs de 20h30. Il y avait beaucoup de clients. Certains se trouvaient du côté gauche et d'autres étaient de l'autre côté droit parce qu'il y avait aussi des voitures sur tous les bords de la route. J'ai vu une voiture noire et après, la grenade a été glissée venant à bord du caniveau. Elle a éclaté et a soulevé les planches de ce petit pont. Après cette attaque, à part ceux qui ont été légèrement blessés pendant qu'ils se sauvaient, cet habitant indique avoir vu 3 blessés graves. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées. Un homme a été blessé au ventre. Ce sont les blessés légers qui sont nombreux, mais ceux qui ont été gravement touchés sont à l'hôpital. Ils sont au nombre de 3. Ces habitants demandent que la sécurité soit renforcée, d'autant plus que cet endroit accueille beaucoup de personnes, surtout pendant la soirée. Nous avons essayé de contacter les responsables administratifs au quartier 2 de la zone Guida pour qu'ils s'expriment à ce sujet, mais ils étaient en réunion avec le chef de zone. Pourtant, au niveau de la police, on indique que cet appel de la population sera pris en considération. Le porte-parole de la police, Pierre Mourikié, dit que le projet de renforcement de la sécurité existe à la police, surtout dans ces derniers jours de l'année. Cette attaque à la grenade est la deuxième à être perpétrée dans ce quartier, dans une période ne dépassant pas 2 semaines. Certains habitants de la zone Kamenge se plaignent du banditisme persistant qui règne dans cette localité. Ils demandent aux autorités de trouver une solution dans les meilleurs délais. Mais nous avons cherché les autorités locales pour réaction, mais en vain. Et pour terminer ce journal, l'armée tanzanienne se dit prête à poursuivre ses opérations dans l'est de la République démocratique du Congo, comme l'a déclaré le général James Mwakibolwa, qui avait entre 2013 et 2014 lui-même commandé la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO. C'était à l'époque du M23. Le général tanzanien a tenu ses propos lors d'une conférence de presse ce dimanche 10 décembre à Dar es Salaam, dans l'enceinte du quartier général de l'armée. Rappelons qu'une dizaine de soldats tanzaniens ont été tués jeudi en République démocratique du Congo à l'issue de combats qui les avaient opposés pendant 13 heures à des présumés rebelles ADF. Il a également indiqué que deux de ces hommes étaient toujours portés disparus et que les recherches se poursuivaient pour les retrouver. C'est la fin de ce journal, il est 13h16 à Bujumbura. Merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. C'est Toussaint Mitewotsi qui est à la mise en onde au micro. Jean Bosco Douimana, un bon après-midi.